Donc, ce matin, on va prendre quelques minutes. Puis m'en va résumer un petit peu ce qu'on a vu depuis le mois de septembre. Puis ensuite, on va terminer notre cours aujourd'hui en parlant, après avoir fait notre travail, d'aller chercher de l'aide auprès de d'autres qui ont fait le même travail. Donc, la première chose qu'on a faite, qu'on a vue ensemble dans la première leçon, c'est d'avoir des outils. D'avoir les bons outils pour travailler. Il n'y a rien qui me tanne le plus que quand je rentre dans ma boutique, puis je viens pour travailler, puis je n'ai pas les bons outils. Là, je travaille et c'est rarement satisfait de mon travail. C'est pas bien coupé, c'est pas bien collé, c'est pas bien. Il y a pas le, c'est brut, parce que je ne peux pas faire de finition, parce que je n'ai pas l'outil pour faire la finition. Donc, quand tu as les bons outils, tu vas devenir un meilleur menuisier, normalement. Si tu as des bons outils, tu vas être un meilleur mécanicien. Comme hier, pendant que j'attendais l'autobus, il y avait un auto qui était brisé dans le parking d'autobus du terminus, puis il y avait un monsieur qui essayait de réparer pour faire partir l'auto. Il n'avait pas vraiment les outils. Couchant à terre, couchant en dessous. Il n'avait pas réussi à faire partir l'auto, parce qu'il n'avait pas ses outils avec lui. Donc, on a vu ensemble comment on pouvait aller chercher ces outils-là. Surtout, on a parlé, nous autres, avec Online Bible, comment avoir les outils avec Online. Et je vous encourage à toujours être à la recherche. La semaine passée, j'ai téléchargé deux logiciels, moi, comme Online Bible, mais d'autres sortes. Gratos sur Internet. Je vais voir. Bon, je les ai enlevés, je ne les ai pas gardés, parce qu'ils sont moins bons que Online Bible. Mais je vais voir. Je cherche tout le temps à voir. Est-ce que je peux avoir un meilleur outil? Juste ça. OK. Non, juste ça. Non. Donc, c'est juste de faire, d'améliorer vos outils. Souvent, je vais une fois par semaine, en général, sur 1, 2, 3 Bibles. Et là, je vais voir, as-tu du nouveau? Comme dans les mains, j'ai vu qu'il y avait un dictionnaire qu'on avait téléchargé dans les semaines qu'on a commencé. Mais là, il est complet. Ils l'ont complété. Là. On n'avait pas tout le dictionnaire. Là, c'était marqué, dictionnaire, je pense, c'est Calmet. Il est complet. Là, ils l'ont complété. Ah, on va mettre ça dessus. Je suis toujours en train de vouloir améliorer mes outils. Tout le temps. Je vais aller voir sur Note America ou je vais voir toutes sortes de choses de même qui me fait que, ah, je peux aller chercher ça. Ah, je peux aller chercher ça. Des fois, je vais aller voir cartes bibliques. Cartes bibliques d'Israël. Ah, je vais aller chercher des nouvelles sortes de cartes. Des fois, je ne peux pas les mettre sur Online Bible, mais je peux les avoir à disposition dans mes favoris, que je peux aller chercher des cartes d'Israël qui sont plus détaillées du temps de Jésus, mettons, quelque chose semblable. Je suis toujours à la recherche d'outils, mais tu peux avoir des outils, mais il faut t'apprendre à les utiliser. Donc, c'est à vous autres à passer du temps sur votre Online Bible pour pouvoir devenir quelqu'un qui peut manier vos outils de la meilleure façon possible. C'est ça, j'allais dire, c'est beau avoir des outils encore, faut-il savoir s'en servir? C'est ça. Mais c'est à force d'apprendre, à poser des questions, aller voir quelqu'un qui l'utilise plus longtemps que vous, depuis plus longtemps. C'est toutes des affaires à faire pour dire, maintenant, je peux tirer le max. Des fois, je vais m'asseoir avec mon Online Bible, puis je vais aller voir dans les configurations, je vais aller voir dans les paramètres, dans toutes sortes d'affaires, pour essayer de voir, est-ce que je peux améliorer? Comme, ça fait pas longtemps que j'utilise Online Bible pour mettre de la couleur dans mes affaires. Je fais ça à ce temps. Je tentais de lire un texte, ah! Je vais mettre les mots principaux en couleur dans le texte. Fait que la prochaine fois que je vais lire, ça va être fait. Tu sais, je vais arriver avec la Bible. Ah oui, c'est l'important, si, c'est ça. C'est pas ça, c'est ça. Donc, c'est important de travailler ça. Ensuite, on a vu comment utiliser ces outils-là pour étudier un livre de la Bible. Comment utiliser ces livres-là pour apprendre à voir d'où est-ce que ça vient, ce livre-là? Quand est-ce qu'il a été écrit? Qui l'a écrit? Qu'est-ce que je peux savoir sur ce gars-là qui l'a écrit? C'est Paul? Qu'est-ce que je peux savoir sur Paul? Vous pourrez lire des livres de 300 pages sur Paul. Puis je sais que si vous le lisez, vous allez avoir plus de facilité à comprendre ces épîtres qu'il a écrit. C'est comme ça. Et donc, est-ce que je peux savoir quelque chose sur le côté social, culturel, géographique des destinataires? C'est qui ces gars-là? C'est qui ça, quand Paul va à Troas? C'est qui vivait là à Troas? C'était qui ce Lydie, marchande de poupes? C'était qui cette femme-là? Qu'est-ce qu'elle faisait dans la vie? Est-ce que je peux savoir? Oui, je peux savoir certaines choses. En utilisant ces outils-là, je peux trouver des choses. Ah, oui, je peux savoir. Ah, ces gens-là croyaient à ça. Ah, son arrière-plan religieux, c'était pas catholique, elle. C'était quoi? Il adorait tel Dieu. Ou il invoquait les démons. Il y a des choses qui se passent là. Donc, c'est important de savoir ces choses-là. Ça va m'aider à comprendre. Ah, savez-vous que Corinthe, c'est un port de mer? Puis dans toute l'histoire de l'humanité, les ports de mer étaient toujours des villes de débauche. Parce qu'on débarquait là, beaucoup de bars, beaucoup de prostitution, beaucoup de choses de même. Et aussi, des débauches aussi morales et spirituelles, parce que c'est là qu'arrivaient toutes les nouvelles affaires. Les nouvelles cultures arrivaient là, puis s'installaient dans les villes là. Fait que si quelqu'un arrivait d'un autre pays, puis venait s'installer là, mais installait sa petite idole, sa petite tente, sa petite affaire à lui, parce que ça n'allait pas, traversait pas le pays là. Il n'y avait pas les choses d'aujourd'hui là. Ça commençait là, puis ça allait plus loin. Donc, ah, mais là je suis pas surpris. Ah, Corinthe, l'église de la débauche, t'sais, l'église du temps de misère, c'est bien là. Puis regarde. C'est pas mal la seule ville. Qu'on voit, moi je dirais que c'est quasiment une des premières que Paul voit, parce que Paul, lui, il a fait l'Asie avant. Quand tu regardes, mettons, la Galatie, la Phrygie, tout ça, c'était dans les terres, ça. Okay. C'était pas sur le bord. Okay? C'était pas sur le bord de la mer comme tel. Donc, c'est des petites choses donc, qui rendent la Bible intéressante, puis plus... je comprends qu'il parle de ça. Ah, je comprends. Pourquoi est-ce que Élie, quand il monte sur le Mont Carmel, il dit au prêtre, ah ben venez, on va faire un petit test. Venez prier Baal, faire descendre le feu du ciel. Ben, il faut savoir que Baal, c'était le dieu du feu. C'est intéressant de savoir ça, de dire, ah, je comprends que là, il demande, il n'a pas pris, je vais faire, on va demander, demandez à Baal qui sépare la mer en deux, comme Moïse l'a fait. Et ça a été un peu, c'est pas le dieu de ça, là. Mais on va demander au dieu qui fait descendre la foudre. Baal, ah ben là, oui, on va demander au bon. Ben, comme nous autres, on aurait dit, étant catholique, on va prier Saint-Jude pour trouver notre bague perdue. On ne priait pas Saint-Christophe. Saint-Jude, c'était le saint pour trouver nos chaussures perdues. Comme donc, les autres, puis tu vas avoir du feu descendre du ciel, t'es bien mieux de prier Baal. Baal, c'est le dieu de la foudre. Si tu avais eu l'appui, tu avais peut-être un autre dieu pour l'appui. Donc, c'est intéressant de savoir que ces gens-là, à qui Élie s'adressait, étaient un peuple qui adorait Baal. Quand tu lis le Nouveau Testament, toutes ces choses-là, vous avez appris à lire ça, puis appris à étudier ça, puis de dire, je vais trouver tout ce que je peux savoir dans les livres d'introduction, dans les livres d'histoire, hein? Les commentaires, ils en font des introductions, mais l'introduction d'un commentaire, tu vas avoir peut-être sur un livre de 200 pages, tu vas peut-être avoir 20 pages, 25 pages sur l'introduction. Mais si tu prends un livre d'introduction, tu vas peut-être avoir 200 pages d'introduction sur ce livre-là, beaucoup plus développé. Parce que c'est un livre spécialisé dans l'introduction des livres de la Bible. Dieu ne commente pas la Bible, il ne commente pas les livres, il ne commente pas, mettons, Colossiens. Il faut juste faire l'introduction. Après ça, ben, si tu vas avoir des commentaires sur chaque verset, ben, va chercher un commentaire. L'introduction, c'est plus... L'ensemble, oui. Où ça se passe, c'est qui, c'est quand, la date, l'auteur, les destinataires, la culture, la géographie. Est-ce que je peux savoir quelle religion est pratiquée dans ce temps-là? Parce que si je sais que j'arrive au catholique, j'arrive au Québec, les missionnaires au Québec, là, quand ils arrivaient, là, ils ont eu de la misère, c'est au Québec, vous savez pourquoi? Ils ne savaient pas c'était quoi le catholicisme. Ils ne savaient pas vraiment c'était quoi le catholicisme. Comment est-ce qu'on allait voir pour les introductions? Je me rappelle plus. Il y a des livres d'introduction, puis dans les commentaires, tu vas voir les introductions. Dans les commentaires. Tu as certaines introductions, tu allais voir aussi dans les dictionnaires, comme Emmaüs, comme les encyclopédies. Ils ont tous des commentaires. Oui, puis tu peux même aller voir, des fois, moi, j'ai, sur mon ordinateur, j'ai l'encyclopédie en carton. En carton, ça s'appelle. Uh-huh. Et tu peux aller chercher, mettons, Saint-Paul, puis ils vont te donner toute une introduction là-dessus. Et tu peux aller chercher Épître aux Romains, ils vont tous te donner une introduction là-dessus. D'habitude, en carton, ils te donnaient avec les dictionnaires. Puis tu peux l'avoir, une partie de ça, tu peux les avoir gratos sur le net. Donc, c'est des choses que tu peux aller voir qui ne sont pas chrétiens, qui vont te donner une autre optique que toujours lire juste ce que les chrétiens disent. Ça va donner une autre idée. Donc, ça, c'est ce qu'on a vu dans notre deuxième étape. Un, on a des bons outils. Deux, on fait nos recherches sur les livres. Et la dernière fois, c'était sur comment étudier le texte. Ça, c'est un petit peu plus difficile, hein? Pas si vous avez remarqué, parce que ça devient un peu plus pointu. Quand c'est plus pointu, automatiquement, ça devient plus spécialisé. Ça demande un peu plus d'efforts. Mais pour pouvoir étudier le texte, il faut avoir fait avant le survol. Je peux pas étudier une partie du moteur, d'une pièce mécanique que je te donne, je te dis, c'est quoi ça? J'aurais bien la misère à savoir, à moins que je sache que ça vient d'un moteur, qui vient d'un auto, qui vient de... Là, j'aurais plus facilité à comprendre. Là, on dit, j'ai un auto, maintenant, je vais étudier le moteur dans l'auto, puis dans le moteur, je ne vais pas tout étudier le moteur, je vais étudier juste l'alternateur, je vois quoi, ou les valves. L'étude du texte, c'est ce qu'on fait. On sait de quoi on parle, à qui ça parle, puis là, je vais étudier un texte là-dedans. Et toujours, quand vous faites votre texte, de le mettre dans son contexte. C'est le défi de l'enseignant. La plupart au Québec, je dirais, qu'on écoute, enseignent, ils prennent un texte, puis ils enseignent le texte, puis ils ne parlent jamais du contexte, à personne. Ils vont juste enseigner le texte aux chrétiens. Dieu nous demande de faire ça, Dieu nous demande de ne pas faire ça, Dieu nous demande d'évangéliser. C'est dans le contexte. Ils pourraient être dans le contexte, mais ils n'en parleront pas. Fait que les chrétiens qui écoutent dimanche après dimanche ne sont pas habitués à se poser la question sur le contexte. Fait que quand tu enseignes, puis tu dis aux chrétiens, en commençant, tu prends, mettons, sur ton 45 minutes, tu dis, je prends 3 minutes, 4 minutes, 5 minutes, je vais donner un petit peu un contexte. Les chrétiens vont s'habituer. Et quand ils arrivent chez eux pour lire la Bible, ils vont se poser la question sur le contexte. Ça devient comme ça. Puis vous remarquerez, moi je me souviens, là, j'étais suivi dans la foi, pour me souvenir dans les années 30, l'enseignement se faisait de façon thématique dans nos églises, en grande partie. Et les chrétiens travaillaient beaucoup avec les passages parallèles dans les Bibles. Il s'est vendu beaucoup de Bibles avec des passages parallèles. Parce que là, on prenait un verset, puis on allait voir tous les versets qui avaient un rapport à ça dans la Bible. Comme ça. Puis on enseignait comme ça, puis les chrétiens lisaient lui-même comme ça. À cette heure, c'est un petit peu différent, on enseigne plus. On enseignait comme sur des thèmes comme la foi. Oui, c'est ça. Ouais. Ces choses-là. Puis là, on essaie de trouver tous les versets dans la Bible qui parlaient de la foi, de la prière. Mm-hmm. Puis les chrétiens, mais ils faisaient la même chose chez eux, puis vu qu'ils n'avaient pas les outils pour le faire, mais ils ne le faisaient pas. Avec la concordance, ils allaient chercher chaque affaire qui allait aller. Est-ce que les gens prenaient le temps d'aller voir? Ben non, on ne faisait pas tout, là. Ben non. Non. Puis même nos parallèles dans nos Bibles sont souvent hors contexte. Mais parce que le même mot dedans, on le mettait là. Tu sais, ça parle de mariage, fait qu'on allait parler du mariage dans tel temps. Mais pourquoi Matthieu parle du mariage? Pourquoi Jean en parle du mariage? Pourquoi Hébreu parle du mariage? Peut-être pas avec les mêmes idées pantoute, ou pas les mêmes pensées. Donc, quand vous faites ça, vous devez tout le temps dire, je tentais d'étudier, mettons, Matthieu, chapitre 3, verset 8 à 12, mais c'est quoi, là? C'est quoi ce qui se passe à ce moment-là? Qu'est-ce que l'auteur est en train de parler? Puis vous allez entendre les enseignants dire souvent l'idée, comment je dit ça tout à l'heure? Le fil conducteur dans votre texte. Si je vous conte une histoire, il y a un fil conducteur dans votre histoire. Dans le sens que si je veux bien comprendre ce que tu dis là, je devrais comprendre. Vous avez probablement déjà fait ça. Vous ouvrez votre télévision, il y a un film, vous commencez le film, il est au trois quarts le film, ou il est à moitié commencé. Vous ne comprenez pas. Combien des petits bouts? Oui, quelqu'un qui tue quelqu'un qui embrasse quelqu'un. Combien des petits bouts? Mais pourquoi il fait ça? Puis là, tout d'un coup, ah, c'est lui le meurtrier. Ben, tu avais vu tout le film, tu l'avais vraiment deviné. Mais là, toi, tu pensais pas ça. T'as pas tout vu. T'as pas eu le fil conducteur. T'as pas tout vu l'histoire. Mais les auteurs sont comme ça. Ben, pas toutes, comme les psaumes, c'est un petit peu différent, ou les proverbes, c'est un petit peu différent, mais un évangile ou un épître, l'auteur a un fil conducteur. Il était au point A, puis il veut s'en aller au point B. Là, où est-ce que je suis rendu, moi, le texte que je veux étudier, je devrais être capable de résumer, comme si je contais une histoire, ce que l'auteur est en train de parler. Je devrais être capable, quand j'enseigne un texte. Tu sais, mais... Si je prends, mettons, les actes des apôtres, bien, Jésus était ressuscité, il a vécu pendant 40 jours avec ses disciples, là, il va pour partir, il leur dit qu'il va les envoyer cet esprit, là, il s'en va dans le ciel, puis là, les apôtres, ils s'en vont se cacher dans la petite cabane là-bas, puis là, ils attendent, ils ont un peu craintif, ils attendent, cet esprit s'en vient, puis là, ils ont commencé à prêcher à Jérusalem, puis là, mais ils sont rendus à prêcher à Samarie. Là, je sais que ce qu'ils sont rendus, là, il s'est passé de quoi? Puis là, ils sont en train de vouloir faire ce que Jésus a dit, d'aller de la Judée à Samarie. Là, je suis rendu à Samarie. Là, je l'ai mon fil conducteur. Comment l'Église s'établit? Elle s'établit premièrement en Judée. Maintenant, ils sont rendus en Samarie. Ils sont rendus à s'établir là. Et là, j'ai mon fil conducteur. Ou, si je tentais d'étudier Romain, pourquoi Paul écrit Romain? J'ai mon fil conducteur. Il va premièrement démontrer, du chapitre 1 à 3, la culpabilité de la race humaine dans son entité. Que tu sois juif, que tu sois grec, que tu sois homme, que tu sois femme, que tu sois païen, que tu sois religieux, il va démontrer la culpabilité de tout le monde, de 1 jusqu'à 3. Parce que si j'étudie 2, 1 à 4, bien, je suis là-dedans. Il est en train de démontrer la culpabilité de tout le monde. Bon, mais là, il a commencé par montrer la culpabilité à cause de la nature, culpabilité à cause de la conscience, culpabilité à cause de la loi de Dieu, la culpabilité. Là, moi, je vais parler, l'homme est coupable devant Dieu à cause qu'il a une conscience. Là, ça me fait du sens. L'auteur est en train de démontrer la culpabilité de tout le monde dans la terre. Puis pourquoi tout le monde est coupable? Parce que tout le monde a une conscience. Donc là, ça fait du sens parce que je suis le fil conducteur du gars. Puis c'est bon de dire ça aux chrétiens quand vous enseignez. Quand vous partagez, puis même aux inconvertis, des fois les inconvertis vont vous lancer la Bible, elle a déjà dit ça. Elle dit, ce que tu dis, des fois je dis ça souvent à des témoins de Jéhovah, ce que tu dis, c'est écrit dans la Bible, c'est vrai. Mais tu ne le dis pas dans la même idée que l'auteur voulait le dire dans l'ensemble. Puis je dis, regarde, de quoi ça parlait avant? Ils ne savent pas. De quoi ça parle après? Ils ne le savent pas. Donc, ils sortent ça comme ça parce qu'ils ont entendu dire ça. Puis quand tu leur demandes, regarde avant ce qu'ils parlaient, regarde ce qu'ils parlent après. Le sens ici, on est obligé de dire le sens, c'est ça, parce que dans le fil conducteur, dans la pensée de l'auteur, c'est ça. Tu peux pas y faire dire ce que tu veux, toi, parce que tu es en train de parler d'un autre sujet. Donc, c'est important pour vous autres de toujours essayer, quand vous avez lu un livre pendant un mois, deux mois, vous avez lu pas mal votre livre, essayez de le résumer. Fermez votre Bible. Je peux-tu conter une petite histoire? Je peux-tu écrire une petite histoire du fil conducteur? Qu'est-ce que Paul parle dans Galates. Pourquoi est-ce qu'il écrit aux Galates? Qu'est-ce qu'il leur dit? Il commence au chapitre 1, puis il leur parle de l'évangile apostolique, il parle de ci, il parle de sa rencontre avec Pierre, il parle de la Nouvelle Jérusalem, en haut. Il parle à Pierre. Ouais. Oui. Donc, il s'en va de même. Donc, ah oui, il est en train de parler de ça, puis voilà, là, il est en train de dire ça ici. Mais je sais de quoi il... Donc, c'est bon de vous arrêter et de regarder le fil conducteur du texte. Puis hier, j'écoutais un homme en montant l'autobus, puis il a fait ressortir, parce que là, on va parler de, quand on étudie, quand on a trouvé notre fil conducteur, notre texte, on va trouver maintenant les verbes, le temps des verbes, les noms, qu'est-ce que ça veut dire ces mots-là, le sens contemporain du mot, le sens biblique du mot. Si vous aviez, quand vous prenez votre Bible, tournez avec moi dans votre Bible, si elle est ouverte, et pour se mettre tout en même place, là, mettons-nous dans Jean 3,16, on va se mettre tout en même place, puis on va aller voir quelque chose ensemble, je vais vous montrer. Puis là, vous ouvrirez vos numéros Strong. Êtes-vous capable de les ouvrir maintenant? Vos mots Strong. Cliquez à droite sur votre souris. Vous avez le texte. Puis, ça, c'est en français, puis le reste en anglais. Oh, la bouton. Donc, vos numéros Strong. Oui. Si vous allez, prenez le mot, mettons, aimer. C'est le numéro 25. Mm-hmm. Vous attendez aimer. Numéro 25, cliquez dessus. C'est ouvert? Oui. OK. Donc, vous avez le mot grec agapao et vient peut-être d'un agan, beaucoup, ou CF 5368, comparé avec le numéro 5368. TDNT, c'est ça que je voulais vous faire montrer. TDNT, ça, c'est le... non, c'est New Testament, là, c'est un nom, c'est Tyndale... Tyndale, c'est un livre, c'est un encyclopédie de mots, de l'histoire des mots bibliques. Donc, ce livre-là, c'est un encyclopédie, ça a une dizaine de livres, ça dépend. C'est un encyclopédie, OK? Ça, là, tout ce qu'on voit là, ce qui est marqué là, ça vient de ce livre-là. Mais d'autres, ils l'ont résumé. Ce que d'autres avaient là-bas dans 20 pages, l'autre, ils l'ont mis dans 5 lignes, cette là. OK? Et ce mot-là, ce qu'il faisait, ce dictionnaire-là, que j'ai eu longtemps, que j'ai... C'est toi qui l'as. C'est les livres bleus, là. Et ce livre-là, il faisait le tour de l'histoire du mot dans l'histoire de l'Église. Il disait, avant Jésus, ça voulait dire ça, ce mot-là. Quand Jésus était sur la terre, le mot voulait dire ça. Dans le temps de Martin Luther, ça voulait dire ça. Aujourd'hui, ce mot-là veut dire... Il fait un survol du mot dans l'histoire. Et là, c'est vraiment des gars qui vont loin. J'ai fait ça. Moi. Quand on prêchait dans ce style-là des années 80, on le faisait ça. On disait, hey, le mot, il faut faire attention. Comment... C'était vraiment. C'est M. Cochrane qui nous a remis les deux pieds sur la terre. Il dit, attention, les petits gars, là. Allez pas trop loin. Ne devenez pas plus pointu que les professionnels linguistiques. Allez pas plus pointu qu'eux autres. Là. Vous n'allez jamais le temps, d'abord. Donc, c'est bon de savoir qu'est-ce que le mot aimer, mettons, voulait dire. Comme le mot rançon. Pour nous autres, un mot rançon, dans notre culture, quand on parle, je dis rançon. À quoi vous pensez? Kidnapping! Rançon, dans ce temps-là? Non, ça ne voulait pas dire kidnapping. C'était esclavage. C'est ce qu'ils pensaient. Jésus est venu payer une rançon pour racheter quelqu'un. Ce n'était pas un kidnapping qui avait eu lieu, là. OK? Parce que, mais dans ce temps-là, tu entendais le mot rançon, c'était automatiquement lié à l'esclavage. C'est des gens que tu veux acheter, puis tu vas les payer une rançon pour les acheter pour qu'ils t'appartiennent à toi. C'est pas un kidnapping. Tu n'es pas obligé, puis tu n'es pas manipulé, puis tu n'es pas forcé, puis tu n'es pas... Donc, c'est dans ce sens-là qu'il était intéressant de le voir. Puis, je suis certain que dans le temps là, des années de l'esclavage, des années 1800, 1700, là, en Amérique du Nord, là, il devait comprendre ça facilement, là, les affaires de même, parce qu'il y en avait de l'esclavage aux États-Unis. Et dans ce sens-là. Donc, c'est bon de pouvoir avoir les outils qui vont m'aider à faire ça. Vos dictionnaires le font. Puis je vous avais parlé la dernière fois du dans vos dictionnaires. L'avez-vous? Quand vous regardez, vous pouvez fermer vos numéros Strong. Puis si vous êtes dans Jean 3.16, cliquez à droite, puis dans ouvrir une note, vous allez avoir vos commentaires, là. J'attends que tout le monde soit rendu. En haut. Mais si tu cliques à droite sur le Jean 3.16. OK. OK. Tu as une note. Si tu descendais, je ne sais pas si tu l'avais mis, ça s'appelle RWP. Robertson's New Testament Word Pictures. L'avez-vous ça? Si vous comprenez un petit peu l'anglais, allez chercher ça, c'est gratos sur le site web 123. Comment tu appelles ça? WRP? RWP. Ça s'appelle Robertson's, avec un apostrophe S, là. NT. Word, NT pour New Testament. Word Pictures. Ça, c'est un monsieur qui fait, lui, c'est un spécialiste, il va vous donner les verbes, les sens des verbes, il va vous dire, il va vous donner des idées par rapport à ce que c'est que l'auteur va vous dire dans ce temps-là. Il va vous dire le temps du verbe. Il va vous dire, si c'est utilisé souvent dans le Nouveau Testament, il va vous dire, ce verbe-là revient seulement ici. As-tu un peu l'équivalent en français? Non, je ne l'ai pas en français, l'équivalent. Je ne l'ai pas trouvé, en tout cas, s'il y en a. Je l'ai pas trouvé. Dans ce sens-là. Mais il y a quelque chose qui a été fait en français, comme, tu sais, la grosse concordance brune, là. Ils ont sorti un autre livre à cette heure, là. J'ai vu ça sur Internet dernièrement. En français aussi. C'est fait par le même auteur, M. Cochrane, à Sherbrooke. Il a fait une affaire de grande mère aussi. Je ne sais pas si ça le ferait. Il a sorti un petit dictionnaire grec-français, mais c'est tellement petit, tellement minime, ça ne vaut quasiment pas la peine d'avoir ça. Bon, c'est un mot, là. Mais lui, il le fait, il s'est spécialisé là-dedans. Mais dans vos commentaires, en généralement, les bons commentaires vont le faire. C'est pour ça que on en parlait ce matin un petit peu des commentaires. Il y a des commentaires que j'appelle spirituels, dans le sens son moral, il encourage, il exhorte, mais il y a des commentaires qui font des études. OK, le commentaire, c'est une étude. Il faut en voir les deux. OK? Donc, pour étudier vos mots, c'est important. L'auteur, tu es en train de parler au passé, au présent? Est-ce qu'il parle de quelque chose qui s'est passé une fois dans la vie? Ou qui va se passer tout le temps dans notre vie chrétienne. Ça vous allez le savoir par le temps, un temps présent, un temps continu, un temps au participe passé, un temps au passé. Des fois, c'est des temps. Puis vous allez voir que dans le grec, des fois, l'auteur va vous le dire, des fois, dans notre commentaire ou dans un livre comme Robertson. Il y a des temps de verbes en grec qu'il n'y en a pas en français. Donc, des fois, il faut faire les nuances. Mais une bonne Bible devrait tenir compte de ça, puis elle va le traduire en français pour que tu le comprennes. Okay? On n'est pas handicapé à 100% à cause qu'on ne connaît pas tout ça. Là. Mais les auteurs, des fois, ils vont vous parler d'un temps de verbe, vous allez dire, je ne connais pas ça. Mais on a vu dans votre Bible online, là, quand vous cliquez sur le verbe, vous avez le temps aoriste, puis le temps ponctuel, puis le temps passif, puis ils vont vous donner des ils vont vous dire, c'est un aoriste ponctuel, ça veut dire ça. C'est-à-dire que l'action a été faite une fois dans le passé, puis c'est terminé. Comme j'ai été régénéré, c'est une action qui a été faite une fois dans le passé de ma vie et je ne serai plus jamais régénéré. C'était fait une fois. Je vais être ressuscité à la fin, mais je ne serai pas régénéré dans ce sens-là. Comme les temps progressifs. Oui, c'est ça, oui. Puis tout ça, l'âge progressif. Oui, oui. C'est-à-dire quand on dit « I'm eating » ou « I eat » ou… « The phone rang when I'm eating ». Oui, c'est ça, oui. Il y a des temps de verbe, puis en français, il y en a aussi. Puis des fois, on a de la misère même à comprendre un petit peu notre français. Fait que, bon, mais c'est important que des fois qu'on fasse quelques petites recherches pour qu'on puisse voir qu'est-ce que ça veut dire. Donc, étudiez les mots, prenez le temps, puis prenez pas pour acquis que le mot a la connotation de ce que vous pensez que ça veut dire aujourd'hui. Comme on discutait un matin dans l'auto, le mot « aimer » aujourd'hui a une connotation, je dirais même, contraire au sens de l'amour du Nouveau Testament. Fait que quand les chrétiens lisent le Bible et qu'ils voient Dieu même, ils n'ont pas vraiment une mauvaise compréhension de ce que c'est ce que Dieu veut dire. Parce que dans leur tête, le mot « aimer », ça a un sens au Québec en 2009, mais dans la Bible, ça veut dire quoi quand Dieu dit « qu'il aime le monde ». Les gens disent, si Dieu aimerait le monde, il ne laisserait pas faire ça. Puis si Dieu aimerait le monde, il ne permettrait pas ça. Puis si Dieu aimerait... Parce que l'amour pour les autres, c'est pas ça, là. C'est pas, ça tape pas, l'amour, ça. Puis si tu aimerais ton garçon, tu ne le taperas pas. Ah ouais? L'amour, ça ne tape pas, ça ne punit pas, ça ne reprend pas. Oui, ça fait ça, l'amour. Mais pour les autres, non, ça ne fait pas ça, l'amour. Donc, notre compréhension de l'amour est erronée. Donc, il faut prendre le temps, nous, de dire aux gens, « Ouais, mais pour Dieu, ça veut dire quoi? » Mais pour Pierre, quand Pierre ou quand Paul utilise le mot « amour », lui, c'est peut-être une nuance différente que Luc. Puis je vous ai dit, me semble, la dernière fois, si je ne me trompe pas, vous avez peut-être déjà remarqué, mais Luc est le seul, à 99,9%, qui emploie le mot « être rempli de l'esprit ». Aucun autre écrivain utilise cette expression-là. Il dit « Ah, comment ça ?» Qu'est-ce que ça veut dire pour lui? Accepter Paul une fois dans Éphésiens. Ne soyez pas enivré de vin, mais soyez au contraire rempli d'esprit. C'est la seule. Est-ce que Paul voulait dire la même chose que Luc? Faut faire attention. Luc, en tout cas, lui, avait une idée. Il y a un qui en parle dans ces deux livres. L'Évangile et les Actes sont remplis de cette expression-là. Partout. Il est rempli partout. De Jean-Baptiste, qui est rempli du Saint-Esprit, dès le sein de sa mère, ça a commencé là, jusqu'à la fin des Actes des Apôtres, que Paul est rempli du Saint-Esprit, puis il parle de quelque chose. Il en parle tout le long. Qu'est-ce que ça veut dire pour lui? Donc, c'est important de s'arrêter pour savoir qu'est-ce que ça voulait dire pour lui, dans ce sens-là. Donc, c'est toutes des expressions, puis c'est tous les mots que vous pouvez prendre, des outils de plus en plus pointus. Avec le temps, vous allez avancer dans votre pratique. Vous allez pouvoir apprendre des livres de plus en plus pointus. Vous dire, bien, je vais aller prendre un livre comme TDNT. Tyndale, me semble. Tyndale, je ne sais pas quoi. Hein? Teasdale, quelque chose, en tout cas, il y a un autre mot, là. En tout cas, je me souviens plus, ça fait longtemps que je n'ai pas utilisé. OK, donc ça, c'est les... il y avait un petit devoir à faire. Si vous l'avez fait, vous me l'enverrez par Internet, s'il vous plaît, si vous l'avez fait. Donc, si vous voulez que je le regarde. Puis vous aviez une page à écrire sur le style littéraire que de votre livre, comme un épître, c'est quoi? Si j'avais pris, mettons, un texte dans un évangile, c'est quoi? Si j'avais pris, mettons, l'Apocalypse, un style apocalyptique, c'est quoi? Donc, ça veut dire pour ce que je cherche comment interpréter. Okay? Pour une première fois, on s'est contenté de petits livres. Un épître. Tout le monde a pris un épître. Et c'est intéressant de faire ça. OK. Ce matin, on va regarder. On est rendu dans la... Oui. On va arrêter de prendre un café, deux secondes. Je ne peux pas faire une pause là-dessus si je fais arrêter. Ah oui, il va arrêter. On va continuer à parler, puis monsieur serviteur Patrick va aller m'en préparer un. Un lait, un sucre. Là, on va aller voir ce que moi j'appelle le plus facile. Un matin, là, les commentaires, c'est le plus facile. Ça, c'est déjà fait. Tout ce que vous avez à faire, c'est d'avoir le livre et le lire. Mais on va en parler un petit peu parce qu'il y a des petites nuances. Puis comme je vous ai donné ce matin... une nouvelle feuille de la leçon 4, là. J'ai mis dessus des places, des sites Internet où est-ce que vous avez des commentaires. Puis moi, je n'ai pas cherché outre mesure. J'ai cherché un petit peu. Je passais une petite demi-heure quand je n'avais pas le temps. Je faisais des commentaires bibliques, études bibliques, puis j'allais voir les différentes places. J'en ai trouvé des bons. J'ai des places que c'est des commentaires très vieux. Comme qu'est-ce que Calvin disait, Martin Luther, ou Saint-Augustin, les pères d'Église. Il y a des sites là, sur Internet exclusivement consacrés aux pères d'Église. C'est vraiment intéressant d'aller voir ça. Moi, ça me fascine d'aller voir qu'est-ce que Jérôme a dit sur Romains 3. Ça, c'est un gars qui a vécu juste 150 ans, 200 ans après Jésus. Qu'est-ce qu'il pensait, les gars, dans ce temps-là? C'était impressionnant. Là, tu regardes MacArthur après, mettons. Es-tu là-dedans, M. Je ne sais pas si je l'ai mis là-dedans. J'ai mis ceux que je pensais les plus pratiques pour vous autres. Mais là, tu regardes, tu le compares à MacArthur. Oui, puis je vois, ça ne parle pas pareil là, entre les deux, là. Mais, merci. Mais en règle générale, ils vont avoir le principe de base, va être correct. Mais on va voir qu'ils ne s'expriment pas partout. Les expériences ne sont pas les mêmes, là. Leur façon de concevoir le monde, c'est pas pareil. Ils ont une vue beaucoup plus étroite du monde que nous autres. Parce que nous, on a une vue du monde globale aujourd'hui. On dit que la Terre est devenue un village. Donc, on parle de l'Afrique comme si c'était chez nous, presque. Parce qu'on voit ça aux annonces partout, on entend parler partout. On embarque sur Internet, on lit des choses des gens ont écrites en Côte d'Ivoire, comme si c'était dans le journal de la nouvelle. En Blu-ray. c'est une autre affaire, là. Mais le principe biblique devrait être le même. Un commentaire. Qu'est-ce que le mot commentaire veut dire? Quand on dit, je regarde un commentaire. Quelqu'un qui donne son opinion sur un sujet. Voilà. Donc, un commentaire, c'est pas une vérité absolue. Pas la Bible. C'est l'opinion de quelqu'un, c'est l'idée de quelqu'un. C'est, là, pour nous autres, un commentaire biblique, bien, c'est les, quelqu'un partage ses études sur le texte que vous avez, vous, étudié. Moi, je dirais, des fois, je dis à ma femme, « Oh, j'ai invité quelques amis un matin à en discuter. » C'était des livres. J'avais ouvert des livres sur mon bureau. C'était des amis. Bon, je leur demandais qu'est-ce qu'ils autres en pensaient. Puis ils me disaient qu'est-ce qu'ils en pensaient. S'il avait été là, en chair et en os, il m'aurait dit, « Voici ce que je pense, moi. » Mais il l'a écrit. Je l'ai écrit au lieu de l'avoir. Des fois, à cette heure, on peut l'avoir audio. Je peux l'avoir audio. Qu'est-ce que MacArthur a dit? Je peux l'avoir audio. Qu'est-ce que Carson a dit? Qu'est-ce que John Piper a dit? Ce qu'un autre a dit? Je peux l'avoir audio. Fait que là, je peux l'écouter. Ben, dis-moi ce que tu veux. Qu'est-ce que tu en penses, MacArthur, de ce passage-là? Fait que je l'écoute pendant 45 minutes. C'est un privilège qu'on a aujourd'hui d'avoir ces affaires-là devant nous. Donc, c'est un commentaire. Donc, si vous n'êtes pas obligé de le lire, vous n'êtes pas obligé d'être d'accord avec lui. Ça peut vous aider, comme ça pourra vous nuire. C'est à vous autres de faire attention. Plus vous allez avoir fait les trois premières leçons du cours comme il faut, moins vous allez être sujette à vous laisser embarquer dans n'importe quoi. Parce que vous avez fait vos... C'est ça qu'on a une tendance à dire, on fait nos études avant, on garde les commentaires pour la fin. Notre tendance, c'est d'aller voir les commentaires trop vite, puis là, on se fait dire qu'est-ce que ça veut dire, puis là, on le voit. Ah ouais. C'est parce qu'il te l'a dit, puis tu le vois à cette heure. Ça ne veut pas dire que c'était là. Si tu avais fait tes études toi-même, tu n'aurais peut-être pas été... tu aurais dit, mais ce que Spurgeon a dit, me semble, est meilleur que lui, puis j'aurais été plus critique un petit peu. Je suis plus critique de tes commentaires si je suis un connaisseur sur le sujet. Je vais parler avec, mettons, Richard Lafrance, sur la mécanique, c'est un gars que vous connaissez, je ne juge pas beaucoup critique de ce qu'il dit. Je ne connais rien en mécanique. S'il dit, M. Nolette, votre affaire est brisée, il faut vous changer ça. Il m'a dit, ouais, ça a de la lune, change-les. Je ne connais rien. Mais si je suis un. Plus je connais ça, il m'a dit, ben là, ouais, mais c'est pas demain que ça se passe, moi, ça ne fait pas ça, puis là, si je change ça, ça je ne pense pas que ça va résoudre mon problème. Je vais être plus critique de son commentaire. OK? Donc, vous autres aussi, vous allez plus aller avancer. Moi, il y a des gens que j'ai écoutés il y a 30 ans, que je trouvais des génies spirituels. Aujourd'hui, j'ai dit, ils écoutent moins. Ils sont, pas, sont moins génies. Ils sont moins génies un petit peu. Parce que moi, j'ai vieilli. Ça fait 30 ans. Là, je dis, non, tu peux pas dire ça, là. Parce que je deviens plus critique de ça, parce qu'automatiquement, j'en connais plus. C'est pour ça que dans une église, si les pasteurs sont plus jeunes en général que la masse des étudiants qui sont là, il va y avoir des problèmes. Parce que les vieux sont bien plus critiques, parce que ça fait 30 ans qu'ils lisent deux Bibles, et les jeunes, ils se mettent à prêcher en avant. Tout ce moment, on va faire tes devoirs comme il faut. Il m'a dit, « Mais non, mon gars, t'as oublié tel passage. Non, ça se contredit avec l'autre. » Parce que lui, il n'a pas fait. Il ne peut pas avoir autant. Donc, l'autre jour, c'était dans une église, puis le gars a demandé qui ça fait sauver, qui est sauvé depuis 30 ans, qui est sauvé depuis 25 ans, qui est sauvé depuis 20 ans, qui est sauvé depuis... Puis lui, l'enseignant, était dans le groupe du plus jeune. Problématique. Avec le temps, c'est problématique. Mais il n'est pas le seul, il y a des plus vieux aussi qui enseignent, donc il n'est pas le seul. Mais lui, en tant que jeune, tu le regardes, humainement parlant, tu dis, qu'est-ce que tu peux me dire, toi, que ça fait 5 ans que tu l'as habillé, quand moi, ça fait 35 ans? Qu'est-ce que tu peux m'apprendre? S'il a fait des bonnes études, puis il a bien recherché son texte, il va peut-être m'en dire un petit peu. Mais en règle générale, ils vont me dire quelque chose que je sais. Parce que ce n'est pas vraiment normal qu'il m'enseigne tant que ça, juste après 5 ans, quand moi, ça fait 35 ans. Si moi, je n'ai pas étudié pendant 35 ans, oui, il va peut-être m'en montrer. Mais si ça fait 35 ans que j'étudie, il va peut-être avoir un peu de misère à m'en montrer. Il va peut-être me rappeler quelque chose que j'ai appris. Correct. Mais c'est dans ce sens-là. Il faut faire attention. Puis les commentaires, puis vous allez avoir des commentaires des fois d'un jeune chrétien. Puis si vous allez lire le commentaire, mettons, de John MacArthur sur la première fois qu'il a prêché sur l'Apocalypse, puis le commentaire de John MacArthur sur la dernière fois qu'il a prêché sur l'Apocalypse, vous allez dire, il ne dit pas la même chose. Même les commentaires changent à son allant. Donc, il prêche une fois, l'antéchrist va être un juif. Il prêche ça un dimanche. Là, il y a quelqu'un qui y parle pendant la semaine. Mais, ouais. Le dimanche ensuite, il prêche. L'antéchrist va être un païen. Puis là, il vous dit pourquoi il t'a trompé. Puis il prêche ça. Puis là, il y a quelqu'un qui vient voir dans la semaine. Puis le 3e dimanche, il a fait ça 3 dimanches de suite. L'antéchrist, je ne sais pas ce qu'il va être vraiment. Il était assez humble pour le faire, tu sais, quelqu'un n'aurait pas dit, mais lui, il l'a fait 3 dimanches dessus, il me dit, je me suis planté, puis là, je dis, ouais, va aller moins vite. Tu sais, mais s'il avait écrit son commentaire, là, M. Keefe, il disait, lui, Soyez des petits gars, avant d'écrire quelque chose puis de donner ça à du monde, faites bien attention que c'est, vous êtes sûr que c'est ça que ça veut dire. Parce que c'est écrit, c'est écrit. Ça va se promener partout. Puis ils vont dire, François-Denis t'a dit ça. C'est écrit. C'est plus ça que tu penses, mais lui, il a ce que tu as dit dans ce temps-là, puis c'est écrit. Donc, il faut faire attention. C'est pour ça que la plupart des gens vont faire leurs commentaires, vont écrire leurs commentaires à la fin de leur vie chrétienne, rendu dans les 5 ans, 60 ans, 40 ans. Règle générale, il y a des spécimens rares, hein, comme Don Carson, lui qui a 45 livres d'écrit à 40 ans. Là, ça, c'est des spécimens rares, mais en règle générale, c'est plus vers la fin de leur vie qu'ils vont faire ça. Donc, si on lit la leçon 4, après avoir étudié le contexte historique de nos textes, nous avons vu qu'il faut bien comprendre notre texte. Nous allons voir maintenant qu'il faut vérifier nos recherches avec des commentaires et ensuite se trouver une personne qui peut vérifier notre travail. Il ne faut pas avoir peur d'avoir recours aux commentaires, car ils peuvent nous garder d'erreurs doctrinales. Plus vous allez prendre de l'expérience, plus pour les utiliser, plus ils vont devenir des outils pour vérifier votre propre étude. Donc, c'est un commentaire. Si j'ai fait mon travail avant, il va devenir un outil. J'ai déjà dit à des chrétiens, achète-toi un bon commentaire en français, sur l'Épître aux Romains, mettons, puis lis ta Bible le matin, puis lis 3 ou 4 versets, va lire le commentaire. C'est ça ton cul. Il était mieux faire ça que de ne pas rien faire. Ou de faire quelque chose à peu près. Tu penses que ça veut dire ça, mais tu ne fais pas de recherche. Tu fais juste lire. Tu lis un chapitre, tu fermes ta Bible, tu prends un petit peu, tu t'en vas. C'est moins bon. J'aurais été mieux de prendre un commentaire, mettons, de John MacArthur, puis tu dis, ben je lis l'Épître aux Romains, je lis le premier chapitre, puis je vais lire les 4-5 pages du commentaire de John MacArthur là-dessus. Je vais être mieux instruit, je vais moins me tromper dans mon interprétation que de juste lire, puis de dire, je pense que ça veut dire ça. Parce que le gars, il a passé 40 ans à étudier la Bible, puis c'est un gars qui a une bonne connaissance des Écritures, puis donc, il aura moins de chances de se tromper que toi. Si t'es pour rien faire, hein, t'es mieux de faire ça. Si t'as pas le temps de dire, je vais masser, je vais lire, m'étudier, m'en faire tout ce qu'on a étudié depuis 4 mois, c'est pas le temps de faire ça. Prends-toi un livre, puis lis-le. Ou bien non, achète-toi un sujet, un livre d'un bon écrivain, comme Don Carson, sur le mariage, puis lis-le. Tu vas avoir une meilleure compréhension de ce que la Bible dit sur le mariage que de faire tes niaiseries toute seule puis que tu sais pas trop ce que ça veut dire dans ce temps-là. Tu vas de mieux être protégé. C'est pour ça que je dis personnellement, puis il y en a qui n'aiment pas ça, Dieu a donné à l'Église des enseignants et non pas des Bibles. Dieu n'a pas donné des Bibles à l'Église, mais des enseignants. C'est juste, depuis à peu près 75 ans, des questions des Bibles. Avant ça, il n'y en avait pas. Non, ça n'existait pas. Il y avait une Bible dans l'Église, peut-être. Là. Une Bible dans la ville, même. Ça n'avait pas beaucoup. Tu sais, c'était un copier ça à la main, c'était long, puis c'était pas beaucoup. Donc, le pasteur ou les enseignants. Puis même des fois, il n'y a pas de Bible du tout. Il avait reçu. Il avait été formé comme Paul. Timothée avait reçu. Il avait été formé par Paul. Puis je vous envoie Timothée qui va vous dire ce que j'enseigne. Ça doit être spécial, pareil. Ça peut avoir des écritures. Ben, il y avait des rouleaux dans les rouleaux étaient juste dans les synagogues. Il n'y a pas ça chez vous. Qu'est-ce que tu enseignes finalement? Faut que tu l'aies vraiment appliqué. C'est comme ça. C'est ça que Paul va dire à Timothée ce que tu as reçu de moi. Dis-le à des hommes qui vont le transmettre à d'autres hommes. C'est comme ça que ça se faisait dans ce temps-là. Mm-hmm. Il n'y avait pas d'autre façon. Mm. Fait qu'il y a des chrétiens. C'est pour ça que les gens vont dire souvent, « Ouais, mais on a notre Bible. » Ouais. Toutes les sectes ont leur Bible aussi. Hein. C'est des sectes pareils. Moi, un de mes amis, quand j'étais dans l'Ouest, on était dans le Nouvel Âge, puis lui, il lisait la Bible à 3 jours. Il avait sa Bible. Mm-hmm. Tu me souviens, le gars que tu m'avais envoyé, là, Saint-Xavier? Saint-Janvier. Il lisait la Bible et tout, là, mais il était complètement perdu. Il lisait la Bible, puis il lisait pas mal la Bible, pour ça. Puis il encourageait les gens à la lire. Puis il y a des gens qui la lisaient, parce que lui, il avait encouragé la Bible. Mais tout seul, dans sa petite roulotte, il lisait sa Bible, mais il était parti avec des histoires complètement erronées, mon gars, complètement perdu. Ça là, on était en train de mourir, on était malade parce que lui, il ne croyait pas que ça ne fallait pas comme ci, il ne fallait pas faire ci, il ne fallait pas faire ça. C'est toute une histoire. Il faut faire attention parce qu'une Bible, si tu ne comprends pas le contexte, mm-hmm. l'ensemble de ça, c'est la raison pour pourquoi il y a tant de sectes, pourquoi il y a tant de monde qui partent avec les idées bizarres. Puis c'est pour ça que dans notre culture québécoise, si tu lis la Bible, tu vas virer fou. Si tu lis la Bible, tu vas virer fou. Ça se disait, moi, quand j'étais jeune, c'est ça. Lis pas ça, tu vas venir fou. C'était un livre, c'était compliqué à lire. C'était compliqué à lire. Puis c'est vrai, c'est compliqué à lire. Quand tu donnes une Bible, regarde, il y en a dans toutes les maisons des Bibles au Québec, quasiment. Comment est-ce qu'il y en a qui en lisent? Très peu, très, très peu. Pourquoi c'est dur à lire? Parce que c'est un vieux livre. Je te donnerais n'importe quel autre. Maintenant, je te donnerais un vieux livre, moi, de médecine, hein, qui est des années 300 avant Jésus, je te donne ça, lis ça. Tu dis, gna gna. Hier, à mon temps, je lisais un livre, ça s'appelle Freedom of the Will, par Jonathan Edwards. C'est du vieux anglais. Puis je l'ai lu à peu près 10 pages, puis je t'ai écarté. Déjà, c'est pas ma langue maternelle, l'anglais. Puis là, c'est de l'anglais de 1754, à peu près. Pas évident. Pas évident, tu sais. Mais si quelqu'un me l'aurait traduit en français, que lui était un spécialiste de ce temps-là, bien là, j'aurais compris facilement le texte, dans ce sens-là. Première étape, je vous encourage à parler avec vos enseignants pour faire le choix de vos commentaires. Pas de vos commentaires, mais des commentaires que vous allez prendre, vous allez lire. Donc, je crois que c'est important de faire attention. Au début, si nous, on faisait ça de même dans le temps, parce qu'on disait, j'ai 500 piastres à mettre, j'ai 300 piastres à mettre, m'acheter des commentaires. Je ne veux pas acheter des commentaires que je vais laisser sur les tablettes. J'ai des livres à maison, là, que c'est deux grosses briques, c'est payé ça, 80 piastres. Je les ai ouverts deux fois. C'est pas utile pour moi. Je pensais que ça serait bon, mais j'ai gaspillé mon argent. Ça serait mieux de dire, hey, je vais parler avec quelqu'un que je connais, puis que lui, ça fait longtemps, il va dire, mais j'ai 200 piastres, quel commentaire tu voudrais que je pourrais bien acheter? Puis là, des fois, je te dirais, achète cette série-là, puis achète cette série-là. C'est bon. Ça va te protéger, c'est des bons commentaires, c'est des gens qu'on connaît. Comme je dirais, mettons, aujourd'hui, vous avez John MacArthur, vous avez, écoute, prends ça, pas tout d'accord à 100% à ce qu'il dit, mais 90%, ça va être bien correct, mon gars, puis tu vas y aller. Puis même si tu viendras à la conviction que tu crois tout comme MacArthur, je dirais que tu es bien correct aussi. Pas de problème avec ça. Okay? Donc, je prends des commentaires de gars qui sont connus au début, que tu sais que tu n'auras pas de misère. Parce que si tu commences, puis tu es obligé de te poser la question, il dit-tu la vérité? Gars, je suis pas sûr de qui. Tu prends, mettons, un commentaire d'un ancien anglican ou d'un presbytérien, tu arrives sur le passage, tu parles du baptême des enfants, tu vas peut-être être troublé, tu dis, je sais pas ce que tu seras là. Surtout si tu es un jeune chrétien. Non, tu prends quelques commentaires que tu connais, puis ça, tu poses la question à quelques personnes, tu dis, bien, ça, c'est pas pire. Monsieur le professeur, John Carson, est-ce qu'il y a eu une traduction en français? De ses commentaires. Oui, il y a certains livres qui sont en français. Oui, il y a certains livres qui sont en français de John Carson. Donald. Donc, et quand vous pouvez vous trouver des commentaires, achetez pas, mettons, le commentaire, achetez pas, vous pouvez l'acheter, mais c'est pas le mieux. Mettons, commentaire de François Nollet sur tout le Nouveau Testament. C'est beaucoup condensé. Okay, c'est beaucoup condensé. Vous êtes mieux de dire, je vais prendre l'Évangile de Jean, fait par Patrick Samuel, commentaire de Matthieu par Daniel, commentaire de l'Épître aux Romains par Isabelle, commentaire de... Comprenez-vous? Donc, là, le gars, il va avoir un 300 pages juste sur un livre. Mm-hmm. Mais si vous achetez 300 pages sur tout le Nouveau Testament, il va être pas mal, à moins que ce soit un gars qui... une bonne introduction, puis après ça, il va aller... Ouais, c'est que le gars, il va donner juste... ça va devenir des commentaires, moi j'appelle, d'encouragement. Il va donner une petite idée. Ici, l'auteur nous parle qu'il ne faut pas taper nos femmes. Il n'irait pas plus loin que ça. Il ne commencera pas à expliquer les mots, les termes, les verbes. Tu sais, il ne fera pas ça. C'est un commentaire qu'on appelle léger, qui encourage peut-être, mais il ne t'aiderait pas à étudier comme tel. Mais autant que possible, il y en a une série qui ont sorti là, il y a quelques années, j'avais acheté, je pense que c'est quasiment 15 livres, quasiment 300 pages, sur toute la Bible. Mais c'est peut-être 25 auteurs différents. Carson fait partie de ceux-là. Carson a fait, je pense, l'Évangile de Matthieu. Dans cette série-là, ils ont pris le commentaire de Carson puis ils l'ont mis pour Matthieu. Ils ont pris, mettons, un autre pour Gala, puis un autre. Ils ont pris les meilleurs, ils ont mis ça ensemble, puis ils ont vendu ça. Ça, c'est intéressant. Ça, ça peut être intéressant. Puis en même temps, tu vas avoir des idées différentes. Tu ne seras pas esclave d'un goût, tu sais, de devenir le addict de juste une façon de penser. C'est-à-dire, ouais, mais MacArthur, il disait ça, lui, mais Carson, il dit ça, il me semble, tout à fait pareil. Ah, ça va t'éveiller et dire, ouais, il faut faire attention. Donc, prenez des. Puis, achetez-vous-en pas 500 000. Si vous êtes pour investir, vous pouvez en avoir 4-5 bons commentaires. Vous en avez assez. Si vous ne voulez pas en acheter, bien, vous en avez sur Internet. Vous en avez dans votre Bible online, quelques-uns. Comme vous avez un mec, je ne sais pas si je prononce son nom, Gill, G-I-L-L. C'est un des plus développés dans votre Bible online. Vous l'avez au gratos, la Bible online. En tout cas, si vous l'avez téléchargé. C'est un des plus complets, ça. Dans le sens que, et si vous allez lire, vous devez vous asseoir pour prendre le temps de lire, parce qu'il va peut-être avoir 3 ou 4 pages, lui. Vous en avez d'autres, comme Bible annotée, là. Ils ont un commentaire, c'est là, le nom de main. Il y a 3 ou 4 lignes. Ouais, c'est des petites notes qu'ils ont mis dessus. C'est correct, mais c'est léger. Tu peux pas te fier juste là-dessus. Vous en avoir d'autres, comme qui vont vous donner des un peu plus complets, là, comme... vous en avez un qui s'appelle comme Lightfoot. Il a fait un commentaire du Nouveau Testament. Lightfoot était spécialisé souvent dans les passages difficiles à expliquer. Il est bon là-dedans. Il a mis un Lightfoot comme lumière de pied. Ou... Light, c'est le pied léger. Light. Ah, ouais. Non, c'est le mot light, c'est le mot lumière. C'est écrit comme lumière. Comme léger. Ouais. Puis il y a comme vous avez aussi des commentaires. Moi, j'en ai quelques-uns de Calvin. Ça vous donne une autre idée plus loin dans le passé. Jameson, Fawcett et Brown sont 3 gars qui ont fait un commentaire du Nouveau Testament puis ils ont mis ça ensemble. Ça, c'est des commentaires qui sont. Vous allez dire, quand vous en avez lu 4-5, vous allez voir. Ah! Puis des fois, ils se citent entre eux autres. Quand vous en avez 4-5, vous avez lu votre affaire. OK? Donc, c'était intéressant d'en avoir comme ça. Là, j'en ai mis, comme vous voyez, suggestions en français. J'en ai sorti en français. Si vous comprenez bien l'anglais, il y en a des tonnes et des tonnes et des tonnes. Mais ça, j'ai mis en français. Donc, vous pouvez aller voir, embarquer sur Internet, vous pouvez aller voir. Il y en a toutes sortes de choses. Puis là, j'ai marqué édition clé dans le B, là. Vous avez commentaires et notes d'études de John MacArthur. Ceux qui ils ont mis ça, ils ont pris les commentaires, ça vient de France, ils ont pris les commentaires en français de John MacArthur, puis ils ont fait pour pouvoir les télécharger dans la Bible online. Donc, fait que si tu veux, il faut les payer, par exemple, les avoir, ceux-là. Puis tu payes le. Pas loin de 100$, je pense, pour l'ensemble, de tout le Nouveau Testament. Donc, tu peux les achètes, puis tu les télécharges, puis ils vont se placer dans ta Bible online. C'est une blague. C'est fun, parce que ça, c'est un cas qu'on connaît bien. Puis qu'on dit, on peut faire confiance à ce gars-là, en général, à 90% de ce qu'il dit. Carson, il y en a des commentaires. Il y en a qui sont consultables en ligne aussi. Mais ils n'ont pas fait pour online, dans ce sens-là. Les autres, là, la plupart que j'ai mis là, c'est pas amenable dans la Bible online, mais c'est des sites Internet que tu peux mettre dans tes favoris. Puis dire, ben, je vais montrer une petite liste de commentaires de mes favoris. Une petite question sur la Bible online. Mettons, moi, j'étudie un livre, puis je veux créer un commentaire. Je peux-tu l'incorporer à la Bible online? Oui. Dans le sens que quelqu'un pourrait lire mon commentaire. Il va falloir que tu le montes, puis quand tu vas avoir fini, là, tu pourras le faire et le mettre dessus. Okay. L'envoyer sur. Ouais. Si vous allez dans Note America, Babel Online, vous allez avoir dans leur lien, là, autre. Vous cliquez là-dessus, il y a des centaines d'ouvrages qui ont été faits par des gars comme vous et moi, peut-être un peu plus avancés, qui ont mis leurs choses dedans. Des fois, ils ont pris, mettons, eux-mêmes, ils ont pris des commentaires, puis ils l'ont mis là pour que ça soit disponible sur Online Bible. Donc, il y a plein d'ouvrages, là, que tu peux... Il y a des dictionnaires, des affaires que tu peux prendre maintenant. mais c'est des gars qui ont mis des commentaires, eux-mêmes, leurs propres commentaires ou les commentaires de quelqu'un d'autre, mais qui les ont programmés pour que tu puisses les incorporer à la Bible en ligne. Mm-hmm. C'est intéressant de les avoir. Des fois, ça peut être juste des livres. Tu sais, mettons le voyage du pèlerin. Tu pourrais le prendre et le mettre dans ta Bible en ligne. Donc, dans ce sens-là, que mm-hmm. ça peut être intéressant. Il y a une couple de livres aussi sur le créationnisme. Oui, il y a toutes sortes d'affaires. C'est ça que je dis, développez votre outil. Puis développez votre outil, puis vous allez le développer pour vous autres même. Qu'est-ce que moi j'aime le plus? Si j'aime pas l'archéologie, mais je ne téléchargerai pas des commentaires qui sont pleins d'archéologie, puis ça ne m'intéresse pas. Donc, ça dépend de ce que nous on est. Comme il y a des commentaires qui sont plus. Comme Matthew Henry, il a fait un commentaire. Lui, il est très. Son commentaire, c'est quasiment un sermon. C'est un sermon presque, son commentaire. C'est quasiment ces sermons qu'ils ont mis là en tant que commentaire. Mais tu prenais, mettons, comme Frédéric Godet, lui, c'est un commentaire. Lui, il va, puis il part, puis il parle des. Il va donner l'état des verbes, les noms, puis qu'est-ce que Joe Blow a dit, qu'est-ce que Joe Blow a dit, qu'est-ce que Joe Blow a dit. Et puis c'est en français, puis lui, il va dire lui, là, Patrick Samuel, il a dit ça, que ça voulait dire ça. Moi, je ne suis pas d'accord, puis voici pourquoi. Ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta. Daniel a dit ça, voici, je ne suis pas d'accord, voici pourquoi. Ta-ta-ta-ta-ta. Ah, il est vraiment. Pour l'Évangile de Jean, là. Il a fait, lui, l'Évangile de Jean, Matthieu, non, Jean, Corinthiens, puis Luc, si je ne me trompe pas, puis Romain, qu'on a. Puis, j'ai-tu mis. Oui, dans le H, Books, Google. Si vous avez Google, allez dans Google, en français, c'est là en Google, livre. Google, là, vous avez Gmail, puis Maps, puis tout ça, là. Vous avez un, c'est marqué livre. Cliquez là-dessus. Il y a des dizaines de milliers, peut-être des centaines de milliers de livres que vous avez accès. Comme Sproul, c'est un, disait, si vous n'avez jamais lu le livre Freedom of the Will par Jonathan Edwards, lisez ça. Moi, sur Google Books, clic, bang, le livre est là. Tout là, je peux le lire. Je peux le télécharger, puis le lire. Il y en a, là, puis Google s'est engagé à investir des millions pour télécharger, mettre disponible des livres qui sont plus. Il n'y a plus de droit d'auteur dessus, mais qui sont devenus des classiques. Okay. Il y en a du stock. Ah, il y en a. Moi, j'ai trouvé ça dernièrement. Hein, c'est quoi cette affaire-là? Freedom of the Will. Hein? Oui, Freedom of the Will. C'est lui qui dit que l'anglais est pas facile à lire, là. J'ai essayé de le trouver en français. Si vous le trouvez en français, il doit avoir été traduit en français. Si vous le trouvez, vous me le direz. Je vais essayer de le voir en français. Parce que ça, tu ne peux pas traduire la liberté de l'esprit ou la liberté de la. C'est comment qu'on traduit ça en français? C'est-à-dire. Moi, il faudrait que j'aille le voir. Quoi? Will? W-I-L-L. Mais je vais aller savoir. Peut-être que tu peux aller chercher par Jonathan Edwards, œuvre de Jonathan Edwards, puis peut-être que je pourrais le trouver là en français. Ou j'ai des gars que je connais qui sont maniaques de ce gars-là, peut-être qu'ils peuvent le dire à eux autres s'il y en a en France. Parce qu'il a fait un gros livre, et pas de même, de toutes les œuvres de Jonathan Edwards, mais il est en anglais. Mais je ne sais pas s'ils l'ont fait en français. Ça ne me surprendrait pas, parce que c'est tout un bonhomme, ça. Fait que peut-être qu'il a été traduit en français. Donc, ça, c'est des affaires que vous pouvez trouver des livres, des commentaires bibliques. J'en ai mis là. C'est à vous autres de continuer vos propres recherches. Mais j'ai trouvé qu'il était intéressant, certains d'entre eux autres. Il y en a un là, qui c'était des commentaires. Tu pesais sur Galates, il y avait un commentaire. Puis il y en a un qu'un. Il y a un commentaire. Mathieu, il y a son commentaire. Fait que c'est facile à trouver. C'est facile à. Il y en a d'autres, là. Ils sont compliqués. Moi, il y a des sites web, je ne sais pas qui ils ont fait, mais ils sont compliqués. Non, mais ils sont compliqués. Tu sais, tu cherches, tu n'arrives pas à trouver ce que tu veux. D'autres, c'est tellement simple. T'attends, clic, t'es rendu ce que tu veux. Il y en a d'autres, c'est pas trouvable. Pas cherchant. Bon, en tout cas, pas bon. Deuxième étape, essayez d'avoir des commentaires qui font l'étude du texte et non pas ceux qui donnent seulement le sens du texte. Mais il y a des commentaires qui vont vous dire, voici ce que le texte veut dire, mais il y a des commentaires qui vont vous dire pourquoi ils pensent que ça veut dire ça. C'est un peu différent. Fait que dans vos commentaires, autant que possible, essayez d'avoir de ceux qui font les études, comme Carson, Godet, Gill, il va vous expliquer un peu. D'autres vont vous expliquer. Mais essayez d'avoir pas juste des commentaires. Vous dites, ici, le texte veut dire ça. Bon, c'est bon. Si vous n'êtes pas rendu plus loin que ça, c'est mieux que rien. Mais si vous allez plus loin dans vos études, vous allez acheter des commentaires un petit peu plus pointus que juste vous dire, le texte veut dire ça. Ouais. Parce que là, tu deviens un peu dépendant du gars, qu'est-ce qu'il veut dire. Parce qu'il ne dit pas pourquoi ça veut dire ça. Mais là, il dit, ça veut dire ça parce que le temps des verbes ici, puis le sens que Paul donne au mot liberté, c'est différent. En tout cas, c'est dans ce sens-là. Il faut faire attention. Troisième étape, je suggère d'avoir toujours plus d'un commentaire, si on le dit, là, ça en allait. Plus d'un commentaire, et peut-être 4, 5, ce serait intéressant d'avoir un. Si vous pouvez en avoir plus, je me souviens, moi, quand j'ai fait un enseignement sur l'Apocalypse, j'en avais 12. On avait 12 livres d'ouvert sur ma table de travail. Puis j'avais des en français, en anglais, catholique, pas catholique, pentecôtiste, baptiste. J'avais pris toutes les sortes pour voir, d'avoir un peu l'idée de tout le monde, qu'est-ce qu'il disait. Puis j'en avais peut-être 4-5 que je voyais, là, évangélique, qui étaient vraiment des bons livres d'étudiants. Mais j'en avais 6-7, là, qu'en général, je les lisais, mais je n'en connais pas une grosse compte. Mais des fois, ils me disaient, ah, moi, je vais aller voir ça. Je vais aller voir ça, qu'est-ce que ça veut dire. Mais j'avais une douzaine, moi, que j'avais là-dessus. Donc, c'est dans ce temps-là, c'était de l'investissement, parce que tu avais... Hey, c'était long. Aujourd'hui, tu as tout ça à vitesse, là. Tu cliques, tu sont là, tu cliques à droite, tout, ça apparaît à la bonne page, tu n'as même pas besoin de chercher. Tu sais, tu es dans Jean 3.16, le commentaire s'ouvre dans Jean 3.16, ça n'ouvre pas dans Jean... On brisait nos bibles à tourner les pages, pas parce qu'on lisait, parce qu'on tournait les pages tellement souvent. Mais aujourd'hui, on ne utilise plus nos bibles, on fait clic, puis ça... Donc, je vous suggère d'en avoir 4-5. Et au début, essayez de prendre des commentaires. Un vieux, un contemporain. Mettons, si vous avez Calvin, si vous étudiez Romain, je vais prendre Calvin ou Frédéric Godette. Puis je vais aller me chercher quelqu'un qui a écrit des années 1960, quelqu'un qui a écrit des années 1980, puis un contemporain. Puis là, je vais avoir une idée un petit peu. En même temps que je vais voir des gens qui étudient le texte, je vais avoir un petit peu un ensemble de l'histoire, tu sais, un peu plus loin. Ça va être intéressant. Moi, j'aime bien aller lire de Jean Calvin, comme Jérôme, Saint-Augustin. Pourquoi? Moi, je sais pas si c'est un préjugé, mais je n'ai pas tendance à aller voir les vieux commentaires. Moi, ça m'intéresse. Les vieux, tu veux voir s'il y a eu un changement? Oui, puis comment ils expriment ça? Puis nous, on est influencés par notre culture. Ouais. Puis les autres, ils ne sont pas là. Avec ils sont influencés par leur culture. Mm-hmm. Mais, ça fait intéressant. Puis, comme tout à l'heure, je disais, j'aime ça le lire, mettons, Saint-Augustin ou Jérôme. Jérôme, il est juste 200 ans après Jésus. Je dis, c'est quoi il pensait, les chrétiens, 200 ans après Jésus? 200 ans après Jésus, il pouvait quasiment connaître quelqu'un qui avait connu Jésus quasiment direct, là, tu sais, non? Je ne me souviens pas c'est lequel qu'il lit, il me semble que c'est Jérôme. Qui avait connu, lui, qui connaissait quelqu'un qui avait connu Jean. L'apôtre Jean, il avait parlé à lui, il avait enseigné, puis lui, Jérôme pouvait parler avec lui. À lui, il avait une source directe quasiment, là. C'est Jean. C'est quoi le site de Jean qu'on dit, quelqu'un qui a connu Jean, là. Il me semble qu'il est connu, ce nom-là. Clément, Clément. Clément de Rome. Moi, il y a eu des Cléments d'Alexandrin, Clément de Cité. En tout cas, tu as nommé Clément. Il y avait des sites qui... Martin, François, il a mangé une clémentine. Une clémentine. Hors contexte. OK, donc, dans ce sens-là. Quatrième étape, lisez-les en gardant en pensée que c'est l'interprétation d'un théologien et non pas la Bible comme telle. Donc, il faut faire attention de ne pas trop tomber. Il y a le danger qu'on devienne comme le commentaire le dit. C'est une idée. C'est une façon de comprendre. Elle peut être très bonne. Elle peut être meilleure que la vôtre. Mais c'est toujours un commentaire. Il faut faire attention. Cinquième, quand les commentaires ne sont pas d'accord sur l'interprétation du même texte, soyez prudents dans la façon que vous présentez votre interprétation. Quand les grandes bolles, les grosses bolles, les vieux, qui commencent à dire c'est blanc, c'est noir, c'est carotté, c'est jaune, tu dis, oups, s'ils sont si différents, c'est parce que le texte n'est pas facile à comprendre. Parce que quand les textes sont faciles à comprendre, 90% des commentaires vont dire la même chose. Pas de la même manière, mais ça, tu finis toujours par la tarte au sucre. Mais si quelqu'un dit, le texte veut dire tarte au sucre, c'est gâteau à l'éponge, puis... Morphine, puis tu dis wow, comment ça qu'il arrive à tant de différences d'opinion que ça? C'est pas apparemment le texte, il n'est pas si clair que ça. il y a quelque chose de dur à comprendre dans le texte. Il n'arrive pas, à l'expliquer clairement. Comme pour un ancien, il faut qu'il soit marié d'une seule femme. Vous allez avoir, vous allez lire les commentaires. Chacun a sa petite idée, puis c'est pas si facile que ça à interpréter. Comme ses enfants doivent être des croyants. Ça veut dire que tous les pasteurs donc, qui ont un enfant pas croyant ne peuvent pas être pasteurs. Il y a des églises qui croient ça. Donc, là, tu vas lire les livres, puis hop, ça passe du blanc au noir, zone grise. Fais attention. Attention. Comment tu vas le dire? Qu'est-ce que toi, tu vas dire? Ben, moi, je pense que Bible a dit ça. Tu as 15 copains là, qui. Attention. Un peu plus attention. Tu peux le faire. Mais prends le temps de bien étudier, bien éprouver tes affaires, puis bien pouvoir capable de répondre aux questions. Parce que moi, je me souviens d'avoir enseigné, puis il y avait des gens qui m'attendaient à la porte, puis des chrétiens, puis ils disaient « Oui, mais tu n'as pas pensé à tel passage, tu n'as pas étudié tel passage, parce que ça me dit le contraire. » Oui, je l'ai étudié, voici ce que ça veut dire, voici le contexte. J'avais étudié pour être capable de répondre à toutes les questions que j'avais imaginé pouvoir répondre. Mm-hmm. Parce que des gens vont te la poser la question. Mm-hmm. Parce que surtout si tu amènes quelque chose qui est nouveau, un peu, prépare-toi à répondre à tes questions. Quand j'ai enseigné la première fois sur la prière, c'est Luc qui est venu me voir. Ouais, mais Luc 18 dit pas ça, Luc 18 dit le contraire, là. J'ai dit, dans le quatrième enseignement, je vais faire Luc 18. Donc, mange-toi bien être là. Mm-hmm. Ben, je l'avais étudié, Luc 18. Je savais qu'est-ce qu'il voulait dire. Ben, je ne peux pas tout dire le même matin. Donc, mais quand tu fais un travail que c'est un peu, si tu vois qu'il y a des différentes opinions, sois bien sûr, tu as fait ton travail comme il faut, tu as cherché toutes les réponses que tu pouvais chercher pour que tu dises, mais oui, mais lui il dit ça, mais pourquoi je ne suis pas d'accord? Lui, elle a dit ça, mais pourquoi je ne suis pas d'accord? Lui a dit ça, mais pourquoi je ne suis pas d'accord? Puis pourquoi je pense que mon interprétation est meilleure? Puis là, mais quand tu as fait une journée, deux jours, une semaine là-dessus, tu as éliminé pas mal les affaires, puis tu dis, mais bon, j'ai une conviction pas mal profonde que c'est ça que ça veut dire. Mm-hmm. Puis tu l'enseignes. Puis ceux qui écoutent ont toujours le choix de prier pour voir si c'est ce que le Seigneur. Oui, c'est ça. Puis ils peuvent garder une autre opinion aussi. Hein. Et puis ils peuvent garder une autre opinion aussi. Là. Oui. Puis avoir un autre commentaire. Mais toi, quand tu le dis, surtout que dans les textes, si tu prêches Jean 3,16, 99% des gens vont tous dire la même chose. Okay? C'est pas tellement compliqué à lire. Puis je suis les évangiles que je parle. Là. Mais ça, il faut faire. Donc, vos commentaires. C'est là que vous faites attention. Choisissez-vous ça, 3, 4, 4, 5. Lisez-les. Puis, quand vous avez fait votre travail, autant que possible. Puis, vous dites, t'as trouvé, tu dis, mais moi, j'ai trouvé telle affaire sur l'auteur. Lui, il me semble. Il y a des livres, comme, mettons, l'Épître aux Hébreux. Vous lisez un commentaire sur l'Épître aux Hébreux. Il y en a qui vont vous dire que c'est Paul qui a écrit l'Épître aux Hébreux. Il y en a qui vont dire, non, c'est Apollos. Non, c'est Timothée. Non, on ne sait pas. Je ne sais pas qui. Fait que là, tu n'as qu'à. Parce que l'auteur, il n'est pas identifié. C'est pas identifié. Mais il y en a qui vont se faire une idée. Moi, des fois, quand je parle, je dis Paul, il dit dans l'Épître aux Hébreux. Il faut toujours faire attention parce que c'est pas tout le monde qui pense ça. Moi, je pense que c'est Paul. Parce que c'est plus connu. Oui. On connaît sa connaissance, on connaît son arrière-plan. Ça ressemble à Paul. Puis en plus, en fait, il parle de Timothée à la fin. Mais il y en a qui disent que non, parce que Paul n'a pas écrit beaucoup de choses aux Hébreux. C'était plutôt aux Grecs, qui étaient l'apôtre des gentils. Pourquoi il parlerait aux Hébreux, là? C'est plutôt un autre qui devrait faire ça. Ben, chacun a sa raison, là. Mais quand toi, tu l'as dit, mais moi, je me semble, j'ai dit c'était ça, comme, mettons, règle générale, aujourd'hui, les auteurs des livres du Nouveau Testament, ça fait 2000 ans, c'est pas mal acquis qu'ils sont d'accord à ce que c'est Paul qui a écrit, mettons, l'Épître aux Romains, ou c'est Matthieu, comme Matthieu n'a pas signé, Matthieu... son évangile. Mais la plupart des commentateurs, même les premiers des années, tu sais que les vieux, là, quand tu dis, mettons, 100 ans après, les autres, ils disaient-tu, c'était Matthieu? Ils sont proches, là. Les autres, ils connaissent des gens qui ont connu Matthieu, là. Fait qu'ils disent, oh oui, Matthieu a écrit un livre, je l'ai vu, il m'a déjà passé le manuscrit, puis je l'ai déjà lu. Oui, c'est Matthieu qui a écrit ça, là. Tu sais, ils pouvaient dire ça, là, dans le temps, là. Mm-hmm. Aujourd'hui, nous autres, on est loin pas mal, là. Fait qu'on voit l'évangile de Matthieu, puis on dit, c'est Matthieu qui a écrit ça. Mais comment je fais pour savoir ça? Nous, dans nos cours d'herméneutique, on devait le prouver que c'était Matthieu. Qu'est-ce qui prouve que c'était Matthieu? C'est ça, on écrivait peut-être 20 pages là-dessus. Non? Là, on cherchait toutes les affaires, tout ci, tout ça, tout ci. On pensait, c'est un juif. Celui que l'auteur, qui, la façon qu'il écrit, il faut qu'il soit un juif. Parce qu'il ne peut pas savoir ça, c'est pas juif. C'est des affaires de même. Bon, c'est quelqu'un qui était là. C'est quelqu'un qui était un témoin oculaire. De la façon qu'il parle, il était là. Donc, c'est dans les 12. Tu rapetisses le sel, tu finis par arriver à ces gens-là. Là, tu vas dire, mais ça semble être Matthieu qui écrit ça. Donc, tu vas arriver à des comme Jean. Celui qui vous écrit ces choses, là, à la fin, il va parler. Là. Donc, tu dis, ah, qui était écrit. Ah, tu arrives à Jean. Donc, c'est ta affaire. Tu peux arriver à ça. Je ne suis peut-être pas prouvé à 100%, mais tout ce que j'ai trouvé semble aller dans la direction que c'est Jean. Donc, je vais croire que c'est Jean. Malgré que ça n'affecte pas à 100% les doctrines écrites dedans, mais ça va m'aider à comprendre si c'est Jean, parce que Jean a une idée. Donc, le petit devoir. Pas long ce matin. C'est notre plus facile, c'est notre plus court. Après ça, si vous avez des questions, on va en discuter. Lire au moins 3 commentaires sur le texte que vous avez étudié. Donc, je vais dire que prenez 3 commentaires dans votre Babel Online, puis vous les lisez sur votre texte. Ça peut vous prendre 15 minutes, comme 1 heure, 2 heures, dépendamment des commentaires que vous allez choisir. À partir de leur interprétation et de vos propres recherches, écrivez votre interprétation de chaque verset du texte que vous avez étudié. Là, je ne vous demande pas de faire de homélétique. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que moi, vous prêchez? Vous dites, le texte, selon moi, veut dire ça. Tenez vos raisons. Moi, j'ai rien qu'un verset. Dis-le, juste un verset. Puis de dire, mais... ici, si je crois que le texte veut dire ça, puis t'es raison à toi, puis dis, mais j'ai un autre commentaire que lui... emmener ça. Puis, mettons, tu sais, mais MacArthur, lui, a dit ça sur le texte, ça démontre que ça l'approuve mon interprétation. Puis, si vous citez quelqu'un, mais dites-le. Je cite MacArthur ici, je cite Carson là, je cite. Dites-le que vous citez des gens. Donc, c'est une façon de voir. Puis, vous pouvez même dire dans votre travail, bien, j'ai vu, il y a des gens qui ont dit que ça voulait dire ça, mais je ne suis pas d'accord à cause d'eux. OK? Je ne suis pas d'accord, ça veut dire ça parce que. Dans la ligne l'auteur dans sa ligne de le fil conducteur dans sa fil conducteur parce que j'ai l'habitude de le dire en anglais tout le temps, fait que c'est pour ça que je cherche en français. Le fil conducteur, ça peut pas vouloir dire ça à cause du fil conducteur. L'auteur n'est pas rendu à parler de ça, puis il en a pas parlé. Ouais, bien, il a dit, ouais, mais il en parle dans l'autre chapitre plus loin, mais il n'est pas rendu dans l'autre chapitre plus loin, il est là. Qu'est-ce que ça veut dire là dans le texte? Fait que, je vais donner vos arguments d'un commentateur, un commentaire, je veux dire. Je dis, mais pourquoi je ne suis pas d'accord avec ce qu'il lui dit? Peut-être d'arriver à la position de les 4 commentaires que j'ai lus disent la même chose que moi. Ah, vous avez fait un bon travail. C'est fantastique. Ça va juste confirmer que vous avez fait votre travail comme il faut. Je dis, bien, les commentaires que j'ai lus sont en accord avec ce que j'ai dit. Puis vous pouvez amener quelques petites idées que les autres ont amenées. Ça confirme, parce que tel commentaire dit que le verbe ici est au temps passé. Puis moi, je pense que l'action est à passer aussi. Donc, dans ce sens-là. Vous ne connaissez pas le grec, mais tel commentaire a dit que dans le grec, c'est ça que ça veut dire. Fait que ces gens-là, absolument, quand ils écrivent leurs commentaires, en règle générale, c'est des gars qui ont une bonne connaissance des langues originales, puis sont capables de donner leurs idées. OK, donc, vous faites ce petit devoir-là, si vous voulez le faire. Si vous voulez me l'envoyer, vous me l'enverrez. Je regarderai ce que j'ai écrit, moi, sur mon commentaire. Des fois, je fais ça. Quand j'écoute, mettons, un Carson prêcher ou un MacArthur, j'ouvre mes notes à moi, mon sermon à moi. Qu'est-ce que j'ai dit, moi, sur ce texte-là? Je compare avec lui. J'écoute, puis je compare. Moi, je n'ai pas dit ça. Pourquoi j'ai pas dit ça, donc? Pourquoi j'ai dit... Ça, lui, il dit blé, moi, j'ai dit gris. Pourquoi j'ai dit gris? Puis là, je vais voir là, mes notes, je fais mes affaires. Puis là, je vais voir mes arguments. Ah, mes arguments. Parce que des fois, moi, ce que vous avez, que j'ai mis sur Google, ça a-tu marché finalement avec Google? Mes notes? Allez voir mes notes sur Google? Non, parce que fallait se connecter avec Google. Google, puis tu ne l'avais pas. Non, je l'avais pas. En fait, tu peux les voir. J'ai gardé tes liens, là, dans le sens où il faut trouver un compte. OK, oui. Mais tes liens, tu n'as pas besoin de tous les garder. Puis vous, tu en as un. Okay. Un lien. Il va t'emmener là. Écoute, tu l'as fait que tu vas avoir rentré une fois dans ton compte à partir d'un de mes liens que je t'ai envoyé. Okay. Comme hier, on l'a fait chez Daniel, on a ouvert un. Okay. Puis après ça, la deuxième fois. Tu fais garder cookies, tu gardes l'historique. Lui, il va t'emmener dans mon compte Google. Okay. Parce que je t'ai donné le droit de t'emmener. Lui, il va faire un dérive, il t'emmène dans mes affaires. Puis là, tu rouvres mon compte à moi, dans le fond, tu vois toutes mes affaires. Mais dans ces notes-là, je vous donne les notes de mes sermons. Je ne vous donne pas toutes les notes que j'ai accumulées pour faire mon sermon. Donc, ça, je pourrais en avoir 50 pages de notes que j'ai prises pour étudier mon sermon. Mais mon sermon, il y a peut-être juste 3 pages. Parce que je ne peux pas tout vous donner, ce que j'ai trouvé. Ça serait bien trop long d'abord. Ça serait bien trop complexe pour la plupart des gens. Dans ce sens-là. Donc, est-ce que vous avez des questions par rapport à ce qu'on parle, des commentaires? Mettons, juste des commentaires pour commencer. Moi, c'est plus c'est pas une question. C'est juste pour le fun. Là. Ce serait le fun si vite fait, mettons, chacun là, nous parlait un petit peu de son livre. Mm-hmm. C'est pas obligé d'être toute l'affaire complète, juste pour voir. Quelque chose que vous avez appris en faisant vos recherches dans le livre que vous ne saviez pas peut-être avant. Peut-être que ça, c'est intéressant. Mais ça, on n'a peut-être pas besoin d'enregistrer ça. Non, c'est sûr. Donc, avez-vous d'autres questions par rapport au cours qu'on pourrait donner bénéfice aux étudiants qui vont écouter la... Commentaire USB. Commentaire? Comment ça s'appelle? WISB, c'est W-I-A-S-B. WISB. Non, je ne connais pas. OK. Encourager. Soit encourager en français, c'est vraiment ça. Soit encourager, soit fidèle, soit ça. OK. Lui, il a fait. Puis lui, c'est comment tu écris ça? Appelle-moi dedans encore. J'espère. Le V-I-E-R-S-B-E, je pense. V-E-R-S-B-E. Worsby. Worsby. OK. Envoie-moi ça, puis je vais aller voir sur Internet. Puis je vais aller voir si. Parce que l'important de ça, c'est ce qu'il devait faire. Maintenant, vous comme ça, là, moi, j'écoute quelqu'un, ou quelqu'un, des fois, m'a envoyé un livre, puis de toute façon, qu'est-ce que tu en penses? Avec Internet. Moi, je vous dis, Internet, pour moi, c'était un miracle dans ma vie, parce qu'on a fait tellement de recherches avant, ça nous prenait tellement de temps. Mm-hmm. On était tellement handicapés, parce qu'on n'avait pas accès à tout. On était pas dans une grande ville. J'étais à La Sarre. Tu sais, un gars qui était à Montréal, il allait dans une grosse bibliothèque à Montréal, puis aller chercher des livres. Moi, dans la salle, on avait la petite bibliothèque des romans de Bob Moran, tu sais, c'est tout ce qu'on avait. Là, tu sais, c'est pas, là, des... Mais si tu vas à Montréal, dans une grosse université, tu as des bibliothèques, tu vas aller faire une recherche, là. Bibliothèque nationale. Puis à ce temps, tu l'as sur Internet, ces bibliothèques-là, quasiment complètes. Fait que là, je vais aller chercher, mettons, comme Worsby, d'où est-ce qu'il vient? C'est quoi son arrière-plan spirituel? Ouais, c'est un anglicain. Ouais, c'est un anglicain. Bon, en partant, il va dire des choses. OK. Mais quand j'ai trouvé, pas surprenant, Sproul, presbytérien, les presbytériens sont réformés, ils sont tous calvinistes, en grande partie. Ils baptisent les enfants, voici pourquoi, je comprends mieux. Puis quand des fois je vais voir leur arrière-plan, il a été sauvé chez les baptistes, il est devenu anglicain, maintenant il est pentecôtiste, il m'a voir à peu près les trois dans ses sermons. Mm-hmm. Je ne suis pas surpris qu'il va dire de certaines choses. Fait qu'allez voir ça quand vous êtes capable, il vient d'où lui? Quand on est plus connaissant encore, ici, vous direz, j'ai étudié au séminaire de l'Église baptiste de Québec, ou j'ai étudié à Sainte-Bec. Vous saviez tout de suite en partant qu'il y a des différences. Okay. Parce qu'on nous demandait ça. T'as étudié où, toi? T'as fait ton doctorat, où, toi? T'as fait ta maîtrise, où, là? Parce que l'université, elle a une espèce de pensée, de façon de voir. Donc, tu dis, c'est pas ça. Comme, je me souviens, c'était... M. Marcoux, Jacques Marcoux, il est allé étudier aux États-Unis pendant 3 ans, il est revenu, il avait changé sa position eschatologique. Parce que dans ce séminaire-là, il y avait une autre position eschatologique. Donc, à cause qu'il avait étudié là, comme on disait, tu étudié à Jarvis, à Toronto? Oui. Ah, tu dois être à 1000? Oui. Parce qu'il enseignait ça, là. Tous les jeunes qui arrivaient là, qui étudiaient de sortir de là, 1000. Mais si tu allais à Central Baptist ou à Heritage, tu sortais de là pendant pré-1000. Parce que l'Église, les professeurs ont cette tendance-là. Comme les missionnaires. Si quand tu connais ça, tu dis t'es missionnaire avec Baptist Mission. Ils ont tous premier le pré-trib. Tu peux pas l'être si t'es pas premier le pré-trib. Fait que tu sais que le gars, s'il travaille avec Baptist Mission, il est premier le pré-trib. Il est quoi? Premier le pré-trib, c'est une position eschatologique par rapport au tour du Seigneur. Okay. Comment ça se passe, comment ça va se passer. Fait que c'est des affaires que. qu'avec le temps, avec les années, tu finis par apprendre que si tu étudies à tel séminaire, le gars, il pense peut-être comme ça. Si tu étudies à telle école, il pense à une philosophie comme ça aussi. Mais des fois, on disait, on parlait à Montréal des étudiants de Sainte-Bec, on était dans la même classe, puis on écoutait parler, ah, lui, il doit venir de telle église. Lui, il doit venir de telle église. Parce que ça reflétait la pensée de l'église qui était là. Comme nous autres, on disait, ah, lui, il vient de l'église de Baptiste de Viterréville, nous, on a une école chrétienne là-bas. Les enfants ont toutes des cravates pour l'école, puis ils viennent de cette église, eux autres-là. C'est ça. On avait notre philosophie en tant qu'église. Ah, il vient sur M. Gazic, lui. Là, ah, il vient avec M. Lexanien, lui, tout croire à l'affaire. C'est normal. C'est normal. Nos familles spirituelles, comme nos familles humaines, déteignent sur nous autres. C'est correct. Donc, Worsby, je ne peux pas te dire vraiment qu'est-ce qu'il y en a, je ne connais pas. D'autres questions par rapport aux commentaires? On va arrêter l'enregistrement, par exemple, pour faire autre chose, si vous voulez. Ben, j'ai hâte de donner ça. OK, donc, comme je répète, prenez-vous-en 4-5. Autant que possible des commentaires qui font des études du texte et non pas juste donner l'interprétation du texte. Puis, consultez-les autant que possible à la fin de vos études, autant que possible. Sinon, puis si vous avez des blancs, vous dites, ben, j'ai fait mon étude puis je n'ai pas trouvé la date, mais c'est un blanc. Puis quand vous allez lire vos commentaires, vous allez avoir, il va vous donner ses idées. Pourquoi il pense que c'est en 52 après Jésus? Pourquoi il pense que c'est en 72 après Jésus? Puis il va vous donner les idées. Donc, OK. C'est important de savoir ça? Ça peut être intéressant à savoir ça. Comme si, comme des fois, ceux qui, toi, vous lisez Romains, on dit, je pense pas que ça doit être pas ça, parce qu'en 70, le temple a été détruit hein, en Israël. La plupart, là, qui, comme l'Épître aux Hébreux, comme l'Épître aux Galates, ça ne peut pas avoir été écrit après, parce que les chrétiens vont encore au temple. Ça ne peut pas avoir été écrit après 70. Ben, c'était bien. Si quelqu'un dirait, moi, les livres des apôtres ont été écrits parce que le temple n'était pas encore détruit. Sinon, on est trop loin. Il l'a mentionné à quelque part. C'est un événement, cela. Israël n'était même plus en Israël. Là, ils ont été éparpillés partout à travers le monde. C'est... OK. Donc, on va arrêter ça là, puis on va partager ensemble, si vous voulez partager.